Chapitre 7. La maison dans la forêt. La maison semblait tout droit sortie d'une version écossaise de « La petite maison dans la prairie ». À part que la prairie était remplacée par une forêt à l'ombre protectrice. À environ 500 mètres vers l'est, Stephen devina la surface d'un lac miroitant sous l'éclat argenté de la lune. La porte de la maison s'ouvrit à la volée. Stephen retint au dernier moment le réflexe de lever son arme. La femme qui se précipitait vers eux arborait un grand sourire. Elle avait des cheveux bruns qui semblaient incoiffables. Elle prit Ginny dans ses bras sans que celle-ci ne puisse rien dire. Stephen se demanda un instant si elle était consentante dans cette démonstration sentimentale tant cela parut soudain à ses yeux. Mais il fut rassuré en voyant les bras de la rouquine entourer la brune en retour. « Oh, Ginny !» fit la brune en s'éloignant enfin de Ginny. « Je suis si heureuse de te revoir en bonne santé !»« Moi aussi !» sourit Ginny. « Chérie, si on rentrait ?» fit Ron. « La soirée n'a pas été de tout repos. » « Que s'est-il passé ?» questionna la brune. « Hermione !» gronda doucement Ron. « À l'intérieur !» Hermione acquiesça, et tous rentrèrent dans la maison. À l'intérieur, la décoration était assez simple. Quelques meubles, pas de télévision, juste un poste radio de vieille facture. Des photos s'animaient dans leur cadre. Stephen avait déjà vu des photos animées chez Neville, et le jeune homme lui avait expliqué que c'était ainsi chez les sorciers. La plupart des photos représentaient des gens roux, possédant divers autres traits communs avec les deux Weasley qu'il avait près de lui. Stephen remarqua quand même quelques photos non animées. Hermione y posait auprès de gens qui devaient être ses parents. Il en déduisit que la jeune femme était d'origine moldue. Ginny s'était arrêtée devant une photo. Elle se saisit du cadre pour pouvoir mieux la regarder. Un voile de tristesse passa sur ses yeux. Finalement, elle la reposa et alla rejoindre son frère et sa belle-sœur dans le séjour. Stephen la suivit mais s'arrêta un instant devant la photo que la rouquine avait regardée. Elle représentait plusieurs adolescents. Stephen reconnut Ron, Hermione, Ginny et le visage plus lunaire que maintenant de Neville. D'autres étaient totalement inconnus au sergent, comme cette fille blonde aux yeux rêveurs. Tous entouraient un jeune homme souriant, mais dont le regard laissait présager que sa tâche serait ardue. Il avait des cheveux en bataille et des lunettes rondes. Était-ce le fameux Harry Potter dont lui avaient parlé Ginny et Neville? Stephen rejoignit les Weasley. Il s'assit sur le canapé et accepta poliment la tasse de thé que lui tendait Hermione. Ron venait de finir de lui raconter ce qui s'était passé. À l'annonce de la mort de Crabbe et Goyle, elle pâlit. « Les mange-morts vont nous le faire payer, » dit-elle. « Ils croiront qu'ils ont été agressés par des moldus, » assura Ron. « Après tout, ils ont été tués avec une arme à feu. »« C'est donc vous le moldu qui serait apparu dans Poudlard ?» fit Hermione. « Vous ne me croyez pas ?» questionna Stephen. « Avouez que c'est difficile à croire. J'ai fait quelques recherches en vous attendant et je n'ai rien trouvé. Il est déjà impossible à un sorcier de transplaner à Poudlard. L'école est protégée par un enchantement anti-transplanage qui date des fondateurs. Je ne vois pas ce qui vous aurait transporté sur des milliers de kilomètres jusque-là. Le transplanage a ses limites. On ne peut pas parcourir plus d'une certaine distance et ce, à cause de la puissance limitée du flux magique dans un individu. Alors chez un moldu ne possédant aucun flux d'énergie magique, le transfert de matière le long des flux énergétiques terrestres, qui est l'effet du transplanage, n'est pas possible. « Je vois que je n'ai absolument rien compris. »« Moi non plus, mais j'ai l'habitude, » sourit Ron. « En clair, c'est comme si vous vouliez vous déplacer en train, que vous avez les rails, mais pas de roues ni de moteur. »« Dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à marcher, » plaisanta Stephen. Ginny ricana doucement. « Je ne comprends pas bien ce qui a pu se passer, » dit Hermione. « Soit vous mentez, mais je ne vois pas pourquoi, soit c'est une forme de magie que je ne connais pas. » « Pourquoi vous pensez que je ne mens pas ?» questionna Stephen. « Je sais que vous êtes bien un moldu, car vous n'avez aucun mouvement d'énergie magique en vous. Je le sentirais, et nous connaissons assez les mange-morts pour savoir que jamais ils ne feraient appel à un moldu pour nous débusquer, et ils sont trop fiers de leur nature de sorcier pour ça. »« Et l'Imperium ?» ajouta Ron. « Tu y as pensé ?»« Oui, je le sentirais aussi. Et puis, maintenir un Imperium sur quelqu'un qui transplane n'est pas donné à tout le monde. » Et pour venir ici, tu as fait un transplanage d'escorte. Dites-moi où vous étiez avant de vous retrouver à Poudlard et ce que vous faisiez dans les moindres détails. Je dois tout savoir. Je découvrirai peut-être ce qui s'est passé. Chérie, interrompit Ron. Et si tu attendais demain pour ton interrogatoire ? Ils n'ont pas dormi et la soirée a été riche en émotions. Oui, tu as raison. Je sais. Montre à Ginny sa chambre, je m'occupe de Wright. Hermione guida Ginny jusqu'à une chambre. Ce n'est pas très grand, mais tu y seras bien, dit Hermione. Merci, fit Ginny. C'est normal, voyons. Hermione allait sortir quand elle perçut le bruit d'un sanglot étouffé. Ginny pleurait. Hermione vint la prendre dans ses bras. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» interrogea la brune. « Rien. C'est le fait d'être de nouveau entourée de vous deux. Ça fait du bien. »« Alors, pourquoi pleures-tu ? » ?»« Je ne sais pas. J'ai peur, je crois, que ça ne dure pas et que Malfoy me reprenne. »« Qu'est-ce qu'il t'a fait ?»« Il a abusé de moi. Il disait que c'était pour se venger d'Harry. J'étais devenue un objet de vengeance pour lui. » Il m'a violée. Au début, c'était presque tous les jours. Et après, il a commencé à se lasser. Mais quand il était en colère, il recommençait. Et quand il n'arrivait pas à aborder, il me frappait. Ça durait parfois des heures. J'ai cru que ça ne finirait jamais. Ginny n'avait cessé de pleurer en racontant son calvaire. Hermione l'avait poussée doucement jusqu'au lit, sans relâcher son étreinte. La rouquine continua de pleurer durant plusieurs minutes. J'ai essayé de m'enfuir, continua-t-elle. Mais Crabbe et Goyle m'ont poursuivi. Je ne voulais plus revenir en arrière. Si je m'étais laissé reprendre, ils m'auraient puni. Et c'est en courant dans les couloirs de Poudlard que je suis tombée sur Steven. Il a braqué son arme sur moi. Je ne sais pas pourquoi, il n'a eu que quelques secondes pour se décider, mais il a choisi de m'aider en me cachant. Puis, nous nous sommes enfuis. Ce Steven a fait le bon choix, dit Hermione. « Nous lui devons beaucoup. Je ferai tout pour lui permettre de rentrer chez lui. »« Merci. »« Dors maintenant. » Hermione referma la porte derrière elle. Son mari et elle se doutaient de quelque chose comme ça. Avec Malfoy, il valait mieux toujours penser au pire. Mais l'entendre par la bouche même de Ginny était pire encore. Elle tenta inutilement de sécher les larmes qui coulaient maintenant au coin de ses yeux. Elle les avait retenues pour ne pas s'ajouter à celles de Ginny. Hermione alla rejoindre Ron dans leur chambre. Le jeune homme était déjà sous les couvertures, mais ne dormait pas, attendant patiemment son épouse. Elle passa sa chemise de nuit et vint se blottir à côté de lui. Ron la sentit frémir. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-il. « C'est Ginny. Elle a pleuré. Malfoy, il... »« Je vois. » interrompit Ron pour ne pas forcer Hermione à le répéter. « Quelle ordure ! Si je le croise, je le tue. Et n'essaye pas de m'en dissuader. »« Non, ne t'en fais pas, je ferai pareil. Et je suis sûr que Neville doit vouloir la même chose. Il a dû deviner ce que Ginny a subi. » »« Alors Malfoy a du souci à se faire. Ce Steven ne doit rien savoir pour le moment, je pense. »« Tu crois qu'il chercherait aussi à tuer Malfoy ?»« Je ne sais pas. » Mais il a quand même sauvé Ginny deux fois, si on compte ce soir. Il pourrait nous être utile. Nous verrons ça demain. Bonne nuit. Hermione souhaita bonne nuit à son mari en l'embrassant. Le lendemain, après le petit déjeuner, Hermione demanda à Steven de lui raconter tout ce qui s'était passé avant qu'il ne se retrouve à Poudlard. Elle voulait tout savoir, y compris les sensations et les sentiments qu'avait ressentis le soldat à ces moments-là. Ginny et Ron écoutèrent également. Au début, le frère et la sœur se contentèrent de coups d'œil interrogatifs quand le sergent faisait allusion à quelque chose de typiquement moldu qu'il ne connaissait pas, ne voulant pas déranger Steven dans son récit et Hermione dans son audition. Mais la curiosité l'emportant, ils se mirent à l'interrompre régulièrement. Hermione dut leur dire plusieurs fois de se taire. Mais elle dut, elle aussi, poser quelques questions quand Steven en venait à utiliser des termes typiquement militaires. Pour illustrer son propos, Steven présenta ses armes. Son fusil d'assaut, M4, son pistolet, MEU, SOC, ses grenades et même son couteau de combat. Il revêtit son gilet de combat et mima les différentes actions et positions qu'il avait effectuées lors de l'opération. Ron était visiblement impressionné et alors qu'ils allaient passer à table pour le déjeuner, Ginny le surprit en train d'imiter les mouvements de Steven. Après le repas, Hermione s'isola pour réfléchir au problème. Seul Ron put aller la voir pour lui apporter du thé et des biscuits. La jeune femme ne réapparut que le soir. « Je suis désolée, » fit-elle. Je n'ai rien trouvé pour le moment. Je vais devoir faire appel à certains de nos amis qui, je l'espère, auront la solution dans un de leurs livres. Je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez tout de suite, assura Steven. J'ai préparé le dîner, annonça Ginny. Mais où est Ron? Il ne rate jamais un repas. Il est allé en ville pour voir si nous n'avions pas de messages, expliqua Hermione. Il ne devrait pas tarder. Des messages? Quand quelqu'un de la Résistance veut nous contacter, il laisse un message dans un endroit précis à la ville. Les hiboux de la Résistance savent où déposer les lettres. Une sorte de BLM version sorcière, fit Steven. BLM? Questionna Hermione. Une boîte aux lettres morte. C'est comme ça qu'on appelle les lieux où on laisse des messages et du ravitaillement pour une unité infiltrée en territoire ennemi pour qu'elle vienne les chercher plus tard. Pourquoi morte? Interrogea Ginny. On dit ça parce qu'il n'y a personne de vivant pour garder le contenu de la BLM et s'assurer que ce n'est pas l'ennemi qui s'en empare. Ron entra en trombe dans la maison. Il avait visiblement couru depuis la ville. Il tenta désespérément de reprendre son souffle. Ron, qu'est-ce qui se passe? Demanda Hermione. Neville, parvint-il à souffler, il a des problèmes.